Le lieutenant français Clément de Zessart, pilote bombardier pendant la Deuxième Guerre mondiale, fut bien placé pour connaître les désastres causés par les fanatismes nationalistes. Convaincu que le latin pouvait redevenir une langue commune à tous les Européens, il s'employa dès 1963 à composer un manuel d'apprentissage quotidien, publié en 1966, comme pour n'importe quelle langue vivante, dans la célèbre collection Assimil, citée plus haut. Depuis que j'ai découvert, en mai 2017, ce latin sans peine, je travaille avec grand plaisir chaque soir sur cet ouvrage, car il fourmille d'anecdotes et de dessins humoristiques. Sans cesse réédité, ce latin sans peine est désormais accompagné d'enregistrements sur CD. Et un nombre d'exemplaires vendus en France, le latin sans peine occupe la cinquième place, après l'anglais, l'espagnol, l'italien et le chinois.